La vieille au miroir de Louis Bresse. Le grand Hollandais venait de bourrer sa pipe, une longue pipe blanche toute neuve, et il l'allumait délicatement aux braises du réchaud. « Oui, me disait-il en s'interrompant pour aspirer la fumée à petits coups, d'une façon méthodique. C'est une scène étrange et que je n'ai pas oubliée, quoiqu'il y ait bien des années de cela. » Monsieur Van der Zorgue allongea ses jambes massives vers la cheminée, enfonça ses épaules dans le vieux fauteuil qui fit entendre le craquement d'une charpente vermoulue, et lorgnant du coin de l'œil le fourneau de sa pipe, d'où s'échappaient à intervalles égaux de petits flocons de fumée blanche. « Connaissez-vous Delft ? » me dit-il. « C'est une petite ville fort agréable et que je mets bien au-dessus de Paris et de Londres, non point parce qu'elle possède le tombeau de l'amiral Tromp, ni parce qu'elle a produit les plus belles faïences de la Hollande, ce qui est bien un mérite, mais parce que j'y ai passé les plus 12 années de ma vie. Vous ne sauriez imaginer un pays plus favorable au bien-être tranquille des sens et aux jouissances délicates de l'esprit. » Était-ce bien ces grandes belles poteries émaillées de bleu ou de jaune que j'avais vues de tout temps sur les dressoirs de la maison paternelle, qui avaient plus spécialement éveillé en moi le goût des belles choses? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que j'étais, dès cette époque, un amateur passionné de curiosités artistiques et que je commençais à avoir dans ma petite ville un renom d'homme de goût. Les garçons du Lion Batave et des Armes d'Orange ne manquaient jamais de désigner ma collection aux étrangers. Les marchands d'antiquités me saluaient avec empressement quand ils m'apercevaient à ma fenêtre et m'appelaient du fond de leur boutique chaque fois que je passais dans la rue des Moulins ou dans la rue au beurre. « Hé, monsieur Zorgue, criait-il, entrez donc, j'ai là une pièce du plus haut intérêt. » Et j'entrais. C'était là d'ailleurs ma promenade de tous les jours. Un soir que je me reposais chez le vieux Peters, du coin de la rue des Orfèvres, celui qui a toujours une longue houppelande d'olive bordée d'astracan et un bonnet de fourrure grise d'où son grand nez crochu s'échappe comme un bec. Mais j'oublie que l'honnête Peters n'est plus de ce monde. Un soir donc, que je me reposais entre un bahut de Flandre et une vieille armure allemande, plantée toute droite dans un coin comme si un lansquenet silencieux y montait encore sa faction, ayant autour de moi et au-dessus de ma tête des potiches ventrues émaillées de fleurs étranges, des cristaux en croix sur des fonds de velours fané, des appliques de bronze armées de girandoles, de grands lustres poudreux et étincelants, de longues rapières dorées ou rouillées, on ne savait, au juste, de vieux portraits qui vous regardaient avec une mine sombre, des fauteuils perchés sur des consoles et des hiboux juchés sur ces fauteuils, des étagères d'Orient, des tapis de Perse, des assiettes accrochées au mur, des flacons, des poignards, des colliers, et ça et là, de grandes glaces qui reflétaient ces riches colorations et ces formes capricieuses. Comme je tenais mes yeux fixés sur une poignée de pierres fines, qui à cette heure où le jour commence à baisser, brillait d'un éclat singulier dans la petite vitrine de Peters, je fus tiré de ma contemplation par une voix féminine, une petite voix aigre et déchirante, qui pénétra dans la boutique comme un bruit de verre cassé. « C'est un miroir que je veux, monsieur, une vraie glace de Venise, » disait cette voix, qui était en outre remarquable par un accent étranger très prononcé. Je tournai la tête vers l'entrée de la boutique et je vis, dans la baie lumineuse de la porte et se silhouettant en noir, une sorte de petite créature attifée de la façon la plus bizarre, mais qui me parut être plus étrange encore par sa personne que par son costume. C'était bien le corps de cette voix, la vieille la plus cassée, la plus étriquée, la plus falote, la tête perdue sous un vaste chapeau à plumes, les épaules et les coudes pointues et les mains si longues, si maigres, si blanches, qu'on eût dit qu'elles allaient s'échapper de leur mitaine de filet et se répandre en petits morceaux sur le parquet. À dire vrai, je n'avais vu d'abord que ses mains. Elles s'agitaient avec une telle frénésie, elles allongeaient leurs doigts et les retiraient si brusquement, elles secouaient un gros sac à ouvrage si lourd pour elles, elles étaient si vivantes et si bien mortes pourtant qu'elles faisaient peur. Mon vieil ami Peters n'était point homme à s'arrêter à de telles imaginations. Il était déjà auprès de la vieille cliente, son bonnet de fourrure à la main, montrant le dessus de son crâne poli comme une bille d'ivoire, invitant la dame à visiter les étagères et s'excusant de ce que la lumière n'était peut-être pas très favorable. La singulière petite femme s'avança jusqu'au milieu de la boutique. Elle avait une façon de marcher qui me parut tout d'abord extra-naturelle et qui ne pouvait se comparer qu'à ce glissement que les danseuses exécutent sur leurs pointes d'un bout à l'autre de la scène et qui fait croire à l'absence de toute pesanteur dans le corps de ces sylphides. Très certainement, la vieille dame, dégagée de sa robe, de son châle, de son chapeau, de ses plumes, de son sac et de ses mitaines, ne devait pas peser une once. Je la voyais flotter çà et là dans la boutique, suivant des diagonales infinies et tournant sur elle-même comme un petit ballon au moindre vent. De temps en temps, elle poussait une sorte de cri accompagné d'une exclamation en langue étrangère, très énergique, ce qui s'accordait, comme vous pensez, avec cette singulière petite voix de verre fêlé. C'était lorsque Maître Peters avait fait arrêter la dame devant une des nombreuses glaces qui garnissaient ses étagères ou se dressaient contre le mur. La vieille femme n'avait pas plutôt jeté les yeux sur son image reflétée par le cristal qu'il se détournait avec horreur et que l'on voyait ses longs doigts s'agiter comme s'ils eussent voulu déchirer et réduire en poussière un ennemi invisible. « Encore une de vos atroces contrefaçons ? » s'écriait-elle. « Et vous appelez cela une glace de Venise ?» Le vieux Peters ne s'inquiétait point de cette irritabilité étrange. « Madame, elle est de la plus belle eau. Le biseau en est très pur et les détails du cadre en attestent suffisamment l'origine. Je puis me flatter de posséder là une pièce unique. » Et la petite vieille éclatait alors d'un rire strident, pareil au grincement de la scie dans la pierre. Je sentais pour ma part le froid de l'acier. L'étrange visiteuse avait passé en revue toutes les glaces et tous les miroirs à main de mon ami Peters, ne trouvant rien à sa guise et donnant les preuves d'une contrariété de plus en plus vive à chaque nouvelle déception. À la fin, elle tira un petit mouchoir du fond de son grand sac à ouvrage, elle s'en couvrit les yeux et je l'entendis sangloter. « mon Dieu » disait-elle. Tel est du moins le sens que j'attribuais à quelques mots prononcés en langue étrangère et qui me parurent être de l'italien ou de l'espagnol. Sa voix était devenue pareille à celle d'un enfant, cristalline et pure et doucement pénétrante. Je me sentis tout ému. « Madame, lui dis-je en m'avançant, peut-être pourrez-vous trouver chez moi ce que vous cherchez ?» Peters me jeta un regard furtif, la vieille se tourna de mon côté. Vous croyez donc avoir une glace de Venise ? Me dit-elle en retrouvant au fond de sa gorge cet accent aigrelet qui me pénétrait jusqu'au moelle. Oui, madame, j'en possède plusieurs et de fort belles. Je les ai rapportées moi-même d'Italie et je me pique d'être en l'espèce assez bon connaisseur. Ah ah ! Fit la petite vieille en riant de son petit rire atrocement incisif. Eh bien, j'accepte, monsieur. Et si cette glace est telle que vous dites, croyez que je n'hésiterai pas à la payer à sa valeur. « Madame, lui répondis-je, si je vous cède une de mes glaces de Venise, c'est uniquement pour répondre au vif désir que vous avez témoigné d'en posséder une authentique. Les miennes sont fort belles, il est vrai, mais n'ayant jamais songé à spéculer sur une fantaisie, je vous laisserai au prix de revient celle qui vous plaira. » Le vieux Peters me regardait du coin de l'œil. Sa bouche se tordait en inflexion grotesque, et le bout de son nez avait pris un petit mouvement convulsif que je ne pouvais attribuer qu'au dépit qu'éprouvait le marchand de se voir enlever une affaire qu'il ne regardait sans doute pas comme désespérée et dont il supputait peut-être déjà tous les bénéfices dans sa pensée. Je riais à part moi de cette grimace du brocanteur, car entre nous, je partageais un peu l'opinion de la vieille dame sur l'authenticité de ces glaces de Venise, et j'étais charmé de lui donner cette petite leçon. Je griffonnais sur un bout de papier mon nom et mon adresse, et je l'étendis gracieusement à la vieille dame. « Monsieur Van der Zorg, place du marché aux herbes, la maison à côté du marchand de tabac qui a pour enseigne une tête de nègre. » C'était l'honnête Peters qui, de la meilleure grâce au monde, traduisait à la vieille dame mon griffonnage. Comment la pauvre créature eût-elle pu en effet se reconnaître dans mes pattes de mouche ? « Et je suis chez moi, ajoutai-je, tous les jours jusqu'à midi. »« À demain alors, me dit la vieille dame. » Et sans ajouter un mot, toute vive, toute sautillante, toute falote, elle sortit. « Oh oh !» fit le vieux Peters, qui se fendit la bouche jusqu'aux oreilles et montra ses trois dents longues à faire peur. « Vous avez donc pris la vieille au sérieux ?» Je fus un peu déconcerté par l'éloquence de ce grand rire si peu habituel à mon vieil ami. « Et n'y avez-vous pas cru vous-même, vieux fourbe ?» Peter secoua la tête. Ses lèvres se plissaient avec une ironie muette et son regard s'aiguisait malicieusement. Je sentais que cet homme avait quelque secret motif de rire à mes dépens. Son silence m'impatientait. « Vous ne connaissez donc pas cette dame ?» me dit-il enfin. « Non, Peter, je la vois pour la première fois. » Le vieux marchand laissa filtrer à travers ses lèvres un léger sourire, puis après un nouveau silence. « Il y a longtemps que je l'ai vue, moi, pour la première fois. » Et il accompagna cette phrase d'un soupir, un large soupir, comme il lui arrivait d'en pousser à la vue d'une vieille faïence d'Urbin ou d'une magnifique potiche du Japon ou d'une toile capitale des vieux maîtres. Mais ses soupirs pouvaient se compter dans la vie du vieux Peters. « La pauvre femme, » ajouta-t-il, « elle est bien incapable de donner une demi-rixdale de quoi que ce soit. Elle vit de la charité des bonnes âmes qui veulent bien lui porter encore quelque intérêt. » Je secouai la tête d'un air de doute. « Alors, m'expliquerez-vous cet empressement à lui montrer toutes vos vieilles glaces ?»« De l'empressement, » fit Peters, « dites de la condescendance. » « Je lui dois cela, monsieur Zorg, je lui dois bien cela. Et elle reviendrait demain dans mon humble boutique, que je me prêterai encore à cette innocente fantaisie. » Et le vieux Peters demeura un instant silencieux, comme abîmé dans des souvenirs se rapportant à des époques lointaines. « Vous ne l'avez pas connue, vous ?» me dit-il, en relevant tout à coup son nez d'aigle perdu dans les fourrures de sa houppelande et en fixant sur moi ses petits yeux vifs. « Vous ne l'avez pas connue au temps de sa splendeur. Vous êtes trop jeune, monsieur Zorg. » C'était une adorable créature, d'une beauté étrange et qui fit battre bien des cœurs en ce temps-là. Imaginez, mais peut-on imaginer cela? Imaginez une tête antique taillée dans de l'ambre pâle, avec de longs yeux de jais et des cheveux plus noirs que ses yeux, des cheveux ondulés, longs et lourds. Un diadème de reine que ses cheveux. Reine, elle l'était au théâtre. Chaque soir, le peuple se levait pour la saluer. Elle emportait dans ses bras une moisson de fleurs. Un soir, on la porta elle-même en triomphe. Ce n'était pourtant qu'une danseuse. Mais si vous aviez vu ses pieds mignons, ses bras voluptueux, ses jambes souples, ses reins qui se tordaient, cette gorge frémissante et cette tête, ah, mon ami, vous eussiez été comme moi, comme nous tous, fanatiques, fanatiques. À mesure que le vieux Peters s'enthousiasmait dans sa peinture, dilatant ses narines et se faisant venir l'eau à la bouche, il se passait dans mon esprit un phénomène étrange. Il me semblait que cette femme, je l'avais vue en effet, et que le vieux brocanteur ne faisait qu'évoquer mon propre souvenir. Cette femme était alors dans toute sa gloire, continuait Peters. Elle parcourait la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Amérique, acclamée comme une reine. Elle fit naître les plus violentes passions. Les hommes les plus illustres se disputèrent l'honneur de baiser le bout de ses doigts, et son amour rendit illustre des hommes de rien. L'éclat romanesque de ses aventures ajoutait encore à son prestige. En Amérique, elle chassait dans la savane et se battait en duel. En Angleterre, elle faisait des lectures. En Allemagne, elle publiait ses mémoires et trouvait le temps de devenir comtesse, d'ailleurs adorée, acclamée, triomphante partout. Peut-être son nom est-il venu jusqu'à vous. Ce nom qui était alors dans toutes les bouches, qui remplissait les journaux des deux hémisphères, qui faisait tourner toutes les têtes, d'un bout à l'autre du monde. Cette idole se nommait Pepita Calderon. Pepita Calderon, m'écriai-je. Oui, Peters, votre portrait est fidèle. Vous croyez? Dit le vieux marchand, en accentuant ces mots d'un hochement de tête ironique. Vous êtes bien jeune. Ajouta-t-il. Peters, lui dis-je mystérieusement, et laissant tomber un à un les mots dans son oreille. J'ai, chez moi, place du marché aux herbes, une miniature originale d'après Pepita Calderon. Le vieux Peters demeura bouche béante. Il tourna vers moi ses yeux gonflés de convoitise et l'on voyait, à la contraction de sa gorge desséchée, qu'il ne pouvait articuler un mot. Enfin, il poussa un long soupir, un soupir des grands jours et les yeux presque humides. « Ah, monsieur Zorg, me dit-il, cela ne pourrait se payer. Mais vous me le montrerez tout de même, ce portrait ?»« et je le laissai tout pensif dans sa boutique. Monsieur Van der Zorg secoua sur le rebord de la cheminée les cendres de sa pipe et constata avec satisfaction qu'elle n'était point complètement éteinte. « J'occupais, reprit-il, sur la place du marché aux herbes, une petite maison peinte en rose qui, avec ses coins de briques et son fronton arrondi, n'avait vraiment pas trop mauvaise mine. J'étais là-dedans comme un petit prince, n'ayant d'autre compagnie que celle de Kate, ma servante, une bonne grosse frisonne, blanche comme une jatte de lait, et dont la figure épanouie s'accommodait à merveille du grand cercle d'argent doré et des blanches dentelles de son pays. Pensez-en ce qu'il vous plaira, je trouvais la société de Kate suffisante pour un garçon de mon âge. D'ailleurs, n'avais-je pas ma galerie ? Ma galerie, c'était mieux qu'une amie, qu'une maîtresse, c'était ma vie, c'était moi-même. Je l'avais installée dans trois chambres du premier étage, l'une pour les tableaux, l'autre pour les armes et les bronzes, la troisième pour les faïences, les porcelaines et les émaux. Dans cette dernière salle, quelques meubles anciens du travail le plus riche, des glaces de Venise et de petites vitrines destinées aux bijoux et à certains objets de grande valeur complétaient ma collection et ajoutaient un effet très pittoresque à l'arrangement méthodique de mes richesses. Je vous épargnerai l'énumération de ces belles choses, aujourd'hui dispersées, et qui sont encore toutes présentes à mon souvenir. Je pourrais vous donner le signalement de chacune de ces pièces, vous en décrire les marques, les monogrammes, les signatures, vous en dévoiler les tares les plus légères, vous en expliquer les lointaines origines. Je pourrais vous conter 1000 histoires. Chaque objet avait la sienne, comédie, drame ou roman. Mais ce serait long. Et comme les vulgaires histoires d'amour, cela n'a d'intérêt que pour celui qui en est le héros. Un des charmes de ma maison était d'ouvrir ses fenêtres sur le marché. De là, on découvrait le panorama de cette grande place encombrée d'échoppes, de charrettes et de monceaux de légumes appétissants, labyrinthe de feuilles vertes et lustrées dans lequel se croisaient les commères à jupe rouge, les petites servantes aux bras nus et aux cheveux ébouriffés, les gamins joufflus et les chiens en quête de bonne fortune. C'était vraiment un coup d'œil réjouissant. Et puis les grands cris, les belles disputes, les jolies mines des petites bourgeoises qui voltigeaient d'une échoppe à l'autre, le manège des servantes qui, tout en emplissant leurs paniers, regardaient du coin de l'œil là-bas, là-bas, le maréchal Ferrand assis devant sa porte ou le jeune maître d'école qui traversait la place à la suite de ses bambins. Ah, j'y passais beau temps à ma fenêtre. Je m'y trouvais accoudé, fumant ma pipe, le lendemain du jour où j'avais eu avec le brocanteur Peters cette intéressante conversation. Je ne vous cacherai pas que je brûlais du désir de revoir Pepita Calderon. 10 heures venaient de sonner à l'hôtel de ville. La petite vieille parut. Je la vis sortir de l'une des ruelles tortueuses qui débouchent sur la place. Elle traversa le marché, se dirigeant en droite ligne vers ma maison, comme si elle la connaissait de longue date. Je remarquai sur le passage de l'étrange petite femme un mouvement oscillatoire de la foule. Comme elle se rapprochait de moi, je reconnus que ce mouvement avait sa source dans un sentiment de répulsion, que les commères, les servantes et les petites bourgeoises ne prenaient point la peine de dissimuler. Les têtes se détournaient à son approche, les figures ébauchaient une grimace, et je vis même très distinctement de bonnes gens faire certains signes réputés infaillibles pour repousser le malin esprit. « Sotte populace ! » m'écriai-je. Mais la vieille dame ne semblait pas avoir conscience des mouvements qu'elle provoquait sur son passage, et elle allait droit devant elle, paraissant glisser selon son habitude et tenant les yeux fixés sur ma maison. Je ne pus me défendre d'un certain saisissement quand je vis l'illustre Pepita Calderon franchir mon seuil, et ce fut tout tremblant que je courus ouvrir moi-même la porte du salon. L'étrange petite vieille était telle que je l'avais vue la veille. Mêmes habits fanés, même chapeau à plumes, même sac lourd et même main fluette. Quant à sa figure, je n'avais pu que la deviner dans le demi-jour de la boutique du brocanteur. Il m'était donné enfin de la voir en pleine lumière. Je ne vous cacherai pas que c'était là le rêve que je caressais ardemment depuis la veille. J'étais désireux de retrouver quelques débris de cette beauté d'autrefois, quelques linéaments, une vague ressemblance avec cette jeune tête éblouissante du médaillon. Je voulais faire œuvre d'archéologue, reconstruire par la pensée cette merveille évanouie. Louable passion d'artiste, n'est-ce pas? Vous devinez avec quelle curiosité je plongeais mon regard sous le vaste chapeau qui recouvrait la tête de la vieille. Je n'eus pas plutôt aperçu ce visage que je fermai instinctivement les yeux. Des rides, des milliers de petites rides noires, sinueuses, mamelonnées, enchevêtrées, un lacis inextricable, tel une vieille racine de bruyère où de petits trous noirs simulent la bouche et les yeux, vous rappellent vaguement une figure humaine. C'était donc là, Pépita. Je demeurai tout interdit. « Eh bien, monsieur, me dit la vieille de cette voix fêlée que j'avais entendue la veille, allez-vous bientôt me montrer ces merveilleuses glaces de Venise ?» Et elle fit suivre ces mots d'un ricanement qui m'arriva dans le cerveau comme le plus odieux refrain de Cressel. « Madame, je suis à vos ordres, » répondis-je en m'inclinant, et je la précédai dans l'escalier qui conduisait à ma galerie. Nous traversâmes les deux premières pièces sans nous y arrêter, arrivés dans la dernière salle. « Les voici, » lui dis-je, et je désignai à la vieille dame trois magnifiques glaces à biseau. Entouré de rinceaux de feuillage doré, avec plaques et frontons en cristal gravé, figurant des scènes pastorales, trois des plus belles pièces, en un mot, qu'ait produite l'art vénitien au siècle dernier. Les glaces étaient posées sur des consoles, et l'on pouvait s'y mirer commodément. Devant la première, la Pépita poussa un cri, ce cri strident que j'avais entendu la veille dans la boutique du vieux Peters. Elle pirouetta sur elle-même avec une légèreté de sylphide, et s'arrêta devant l'autre glace. Ce fut encore un cri et un glapissement. Elle courut à la troisième. J'étais, moi aussi, en face de la glace. Je pus voir la figure de la vieille s'y refléter. Je n'eus pas besoin d'entendre son cri, je compris tout. Je ne me serais jamais douté de l'intensité d'horreur que pouvait prendre cette figure dans le cristal. « Je le savais bien !» s'écria la vieille danseuse, « que vous n'auriez que des glaces fausses à me montrer. Les glaces, on les a toutes brisées et on n'en fait plus. Ce n'est pas cet affreux verre à vitre qui vous défigure que l'on peut appeler une glace. J'en ai eu, monsieur, des glaces de Venise, et des plus belles et des plus riches, et je ne m'y trouvais point laide. Laide? Qui eût osé me dire cela ?» Je tendis à la vieille quelques miroirs à main. « Non, non, c'est inutile, on les a tous brisés. » Elle les examina cependant un à un, faisant entendre de grotesques ricanements. Pendant ce temps, j'avais pris dans l'une des vitrines un médaillon entouré d'un cadre finement ciselé, enrichi de perles et surmonté d'une couronne comtale. C'était une miniature de femme, une teinte brune, aux grands yeux humides, aux cheveux défaits, la bouche voluptueusement frémissante, la gorge noyée dans la dentelle. C'était le portrait. Silencieusement, je le tendis à la vieille dame. Sa main décharnée saisit le médaillon. J'étais tout yeux et tout oreille. Je m'attendais à un coup de théâtre. Dès que son regard se fut arrêté sur le portrait, la vieille femme tressaillit. Son corps chétif se convulsa, et je crus entendre craquer tous ses os. Un grand cri s'échappa de ce tumulte, strident, féroce, joyeux. Je n'eusse jamais soupçonné tant de puissance dans l'organisme de la petite créature impondérable. « le miroir !» cria-t-elle. « Je me vois enfin dans le cristal, c'est moi, c'est moi !» La vieille femme s'était accroupie sur le parquet. Elle tenait entre ses doigts crispés le précieux médaillon, la tête en avant, ses petits yeux démesurément agrandis. Cette tête avait revêtu une expression indéfinissable. Plus effrayante peut-être que tantôt, elle exhalait je ne sais quel provoquant attrait de mystère. Ainsi posée sur ce corps bestialement accroupi, les lèvres serrées et les yeux gonflés de vision, elle faisait songer aux antiques sphinx d'Égypte et à leurs légendes pleines d'horreur. La vieille était absolument immobile et silencieuse. On ne l'entendait pas respirer. Je commençais à être oppressé moi-même par ce spectacle. « Madame, lui dis-je en me penchant vers elle. Je vis ses lèvres remuer. « le miroir, » murmura-t-elle. J'attendis encore. Je me promenais de long en large, détournant mes yeux de cette malheureuse. Je m'efforçais de songer à autre chose. Je m'arrêtais devant mes émaux, je furetais dans mes vitrines. Mais rien ne pouvait me distraire. Mon œil était toujours amené sur cette vieille, accroupi au bout de la salle et pareil à la statue de la folie. Cependant, le temps s'écoulait. De nouveau, je m'approchai de la vieille femme. « Madame, lui dis-je, s'il vous plaît de revenir demain. » Je m'arrêtai. Rien ne bougeait sur sa face. Toujours les lèvres closes, les yeux horriblement dilatés. « Si vous voulez revenir demain, nous pourrons nous entendre au sujet de ce miroir. » Elle répéta comme un écho et tout bas. « Le miroir. » « Une affaire pressante, » ajoutai-je. Mais la vieille gardait l'immobilité d'un bloc de pierre. « Madame, » lui dis-je en élevant la voix. Elle ne parut pas m'avoir entendu. J'appuyai la main sur son épaule. Elle ne tressaillit pas. « Agissons, » me dis-je. Je voulais simplement lui enlever le portrait, pensant qu'elle s'en irait ensuite d'elle-même. J'avais à peine fait le geste de tendre les mains vers le médaillon. Je n'avais pu le toucher encore du bout des doigts, que la vieille fit entendre un cri féroce, un rugissement, et en même temps, comme mue par un ressort, sa tête se contracta d'une façon horrible, ses mâchoires se distendirent, et tout en pressant dans ses doigts maigres le médaillon ramené contre sa poitrine, elle tendit vers moi cette bouche menaçante. Je reculai, saisi d'horreur. La vieille ne me quittait pas du regard. Je compris qu'elle était résolue à défendre de toutes ses forces ce médaillon plus précieux pour elle que la vie. Je ne voulais pourtant pas le lui donner. Un portrait rarissime, une miniature splendide, un cadre d'or ciselé enrichi de perles, et puis tout un monde de démarches diplomatiques que m'avait coûté ce médaillon autrefois. Bref, je tenais à ce portrait. Je ne voulais pas non plus engager une lutte avec la vieille femme. Je ne redoutais pas tant d'être déchiré et mordu par cette bête furieuse que je ne craignais de meurtrir ce corps émacié, de briser ses os frêles, ses mains fluettes qui semblaient ne pas devoir résister au contact de la main d'un homme. Et puis, je songeais qu'après tout, cette vieille femme était la Pépita elle-même, la Pépita tant adulée autrefois, la Pépita adorée, que ce portrait était le sien et qu'elle avait bien quelque droit de le regarder, peut-être même d'en réclamer la jouissance exclusive. N'était-ce pas une émanation d'elle-même que j'avais en ma possession, légalement, il est vrai, mais moralement, n'en étais-je pas le détenteur privilégié? Tout cela me remuait étrangement le cœur. La vieille tenait toujours rivés sur moi ses yeux de louve, le médaillon pressé contre sa poitrine. Obsédé par ce regard, ne sachant d'ailleurs à quelle partie m'arrêter, je sortis et fermai sur moi la porte à double tour. C'était le plus simple. J'entendais la grosse Kate allant et venant dans la salle d'en bas. Elle préparait le couvert pour le déjeuner. Je l'appelai. La bonne fille demeura tout interdite à mon aspect. J'avais, paraît-il, le visage bouleversé. « Et la vieille ?» me dit-elle. « Elle s'est donc envolée sur un manche à balai ? Elle est là. » Je conduisis Kate à la porte de la troisième salle. Elle appliqua son œil à la serrure. « Elle est accroupie et ne bouge pas, » dit-elle. « D'où Jésus ? Elle tient ce beau médaillon entre ses doigts. C'est bien cela. Veux-tu aller le prendre, Kate ? La vieille s'en ira après toute seule. « Moi ?» fit la frisonne qui s'éloigna instinctivement de la porte. « Touchez l'Espagnole ? Ne savez-vous pas qu'elle jette des sorts ? Elle a le mauvais œil. Et jamais... elles ne se marieront, les filles qu'elle a regardées. Ah, monsieur Zorg, pourquoi avez-vous reçu cette vieille sorcière dans la maison ? Alors, tu refuses ? Certainement, je refuse. À moins que vous ne me garantissiez le mariage, et encore. C'est bien, Kate, tu es une fille prudente. Je rouvris la porte, et donnant à ma voix le plus de force qu'il me fut possible. Pépita Calderon, voulez-vous me rendre ce médaillon ? La vieille femme ne bougea pas. « Pépita Calderon, vous êtes ma prisonnière. Vous ne sortirez d'ici qu'en me restituant mon bien. » Et je refermai la porte. « La fatigue et la faim, » dis-je à Kate, « nous aurons bientôt rendu maître. » La journée se passa. La vieille ne faisait pas le moindre bruit dans la chambre. De temps en temps, l'œil collé à la serrure, je l'observais. Elle était toujours accroupie à la même place, l'œil fixe et le corps immobile, le médaillon entre ses doigts pâles. Je crus, vers le soir, devoir lui faire une nouvelle sommation. La vieille femme ne crut pas de son côté devoir me répondre. Furieux, je me couchai, mais ne pus fermer l'œil. Il me semblait à tout instant que la vieille appelait. Je croyais entendre des bruits de vaisselle brisée, des chutes et des cliquetis sans fin. Je tremblais pour ma galerie. 5 ou 6 fois je me levais et m'approchais de cette porte. Je ne pus résister à la tentation de l'ouvrir. Toutes choses étaient à leur place, mais les rayons de ma lampe me montrèrent la vieille accroupie comme la veille, dans son immobilité de statue, regardant toujours ce médaillon. Ses yeux y voyaient-ils donc dans la nuit? Ce spectacle me glaça d'effroi. Je refermai la porte tout tremblant. Je me promis bien d'aller prévenir le lendemain le bourgmestre. La nuit me parut longue. Aux premières lueurs du matin, j'étais sur pied, bien décidé à en finir. Mais avant de provoquer un scandale, d'introduire des magistrats et des hommes de police dans ma tranquille galerie, je résolus de tenter moi-même un dernier effort. Je rassemblai tout mon courage. Je m'approchai sans bruit de la porte. Doucement, je fis tourner la clé dans la serrure. Doucement, j'entrebâillai le battant, puis je me glissai dans la chambre. La vieille gardait toujours sa pose de sphinx. Rasant le mur, à pas de loup, je m'approchai d'elle. Pépita ne paraissait pas se douter de ma présence. Le cœur me battait. Il me semblait que le bruit de ses sourdes pulsations allait tirer la vieille femme de sa contemplation extatique. Enfin, j'étais à sa portée. Je réunis mes forces, je calculai la courbe à décrire, j'allongeai le bras, je saisis le médaillon. La vieille ne bougea pas. Le médaillon était pris entre ses doigts osseux comme dans un étau. Je voulus ouvrir ses mains crispées. J'éprouvai une sensation de froid horrible. Je m'arrêtai. Alors seulement je songeai à regarder le visage de la vieille femme. Ses yeux étaient grands ouverts mais éteints. Sa bouche riait, immobile et sans souffle. Pépita Calderón était morte. La pipe de M. Van der Zorg venait de s'éteindre. Le gros Hollandais poussa un soupir. « Oui, lui dis-je, croyant répondre à sa pensée. Il nous faut apprendre à vieillir, sinon quel affreux réveil !» Et combien de gens autour de nous qui ne veulent point voir leur décrépitude? Ainsi s'achève La vieille au miroir de Louis Bresse.